était perdu d'avance. Il ne reste aucune chance. Alors, adieu, moi je m'en vais. J'ai le cœur blessé. J'ai le cœur blessé.